Oji Zifu Go Daddy Oji Zifu Go Daddy Oji Zifu Go Les gars, bisous, je vous fais des louanges. Je suis dans la route, on dit que je fais ma tour. On est devenu des loups, on regrette nos vies d'ado. Ma chérie fait du squat, je fais des pompes, je fais des abdos. Moi, les dans le sac à dos. On garde en bouillon de Galapon. Rolex sur les abdos, elle me suce quand je roule un con. J'suis pété toute la journée avec mes boucs, ça fume la drogue. Baby, bush it top pour dégainer un bolito casse. J'suis un foot, rien à foutre. Everyday sur le rinté, j'te parle pas de foot. Rien que ça fume, la drogue douce. Pédé, tire pas sur mon joint si tu tousses. Bébé, va te refaire les fesses, pas le temps pour faire du squat. Elle a tellement mouillé quand j'ai les doigts et que j'en ai les mains moites. J'ai vu Coro des Corombo, pourquoi il faut automatiser à l'icolo. Donc avec mes nègres dans le gobelot, sa bibi, sa détaille des kilos. J'ai mon joujou caché dans la vago. Delta, Charlie, Delta, Tango, Schweitzer, Schweitzer. Avec